Chapitre 20e. Bien gardé. Dans la matinée, M. Desboisbilly envoya un message à Paulin Broquet, le priant de passer tout de suite dans son cabinet. Le détective se rendit immédiatement à cet appel. « Mon cher Broquet, lui dit M. Desboisbilly, j'ai encore une fois besoin de vos services. Le ministre anglais du Foreign Office vient de me faire savoir que demain partirait de Londres un courrier de cabinet avec documents secrets de la plus haute importance. Ces documents n'ont aucun rapport avec ceux dont nous nous sommes jusqu'ici occupés. Mais ils sont extrêmement précieux, en ce sens qu'ils contiennent des propositions nouvelles du ministre anglais qui doivent nous amener de grands profits de l'entente cordiale. Justement effrayé par tous ces événements et ces tentatives de vol dont nos ministères ont été l'objet, le ministre du Foreign Office me fait savoir la date du départ de son envoyé qui sera suivi, surveillé, gardé par un détective anglais, jusqu'au moment où il mettra le pied sur le territoire français. Je vous demande donc de vous rendre, vous, au bateau pour y recevoir le courrier de cabinet et lui faire escorte jusqu'à Paris. Comme il arrivera à Paris dans la matinée, je vous prie de l'amener ici au sortir du train sans même lui laisser le temps de passer à l'hôtel, de se changer. Dites-lui que je le recevrai dans sa tenue de voyage. Il me semble que c'est beaucoup plus sûr ainsi. Vous sachant avec lui, je serai tout à fait tranquille. Paulin Broquet dit à M. Desboisbilly « Permettez-moi, Monsieur le ministre, de vous poser une question. Vous venez de me dire que l'envoyé du ministre anglais sera escorté par un détective. C'est ce qui m'est annoncé, en effet. Est-ce un détective officiel ou un détective privé, comme il y en a tant en Angleterre ? Je vais vous dire cela, rien de plus facile. C'est Simonet qui a la traduction de la note. Il doit la voir encore chez lui. » Le ministre décrocha sur son bureau un cornet acoustique du téléphone qui le mit en rapport avec Simonet. Il lui fit part du désir de Paulin Broquet et le pria d'apporter lui-même la réponse. Quelques minutes après, Simonet faisait son entrée dans le bureau du ministre et communiquait à Paulin Broquet la note relatant le voyage futur du courrier de cabinet anglais. Paulin Broquet jeta rapidement un coup d'œil et sa physionomie s'éclaira d'un large sourire. « C'est bien, dit-il au ministre, ce que je pressentais. Le ministre du Foreign Office, pour empêcher Zigomar et sa bande de s'emparer des documents précieux, mais celui qui les porte sous la garde vigilante du plus habile des détectives anglais, de celui qui compte de nombreux exploits à son actif. « Vous le connaissez ?» demanda le ministre. « Pas encore, personnellement. De réputation, beaucoup. C'est en effet un homme extrêmement habile, très fort comme Hank Binkerton. Sa réputation est universelle. D'ailleurs, M. Simonet peut l'affirmer, il le connaît, il l'a vu à l'œuvre. » Malicieusement, le détective ajouta, « On ne pouvait faire meilleur choix en vérité. » « Nous voilà donc doublement rassurés, » appuya le ministre. Paulin Broquet répondit. « Ce Mac Binkerton vient en effet de nous donner une preuve de sa grande habileté. C'est lui qui a découvert, et cela est tout à fait merveilleux, l'imprimerie lointaine dans laquelle on suppliciait le capitaine de la Rochardie pour lui faire dire où étaient les papiers que votre excellence expédiait en secret à l'excellence anglaise. C'est lui qui amena mon lieutenant, l'amorce, au moment propice, quand le succès était fini, sans avoir donné de résultat, pour recueillir et emporter, tout pantelant et tout meurtri, l'héroïque capitaine de la Rochardie et M. Simonet ici présent. » Le chef de cabinet s'écria. « Ah, je me souviens de cette heure atroce. Je ne saurais avoir trop de reconnaissance pour ce détective, qui, en effet, nous a été du plus grand secours à mon pauvre ami et à moi. » Après un court silence, Paulin Broquet, de sa voix nette et tranchante, reprit. « Eh bien, monsieur le ministre, je dois vous dire ceci, c'est que ce détective habile et fort, à qui nous devons de la reconnaissance pour cette affaire pénible, et à qui maintenant le ministre des Affaires étrangères d'Angleterre doit confier de si grands intérêts, est, à moins que je ne m'abuse, ne me trompe, et ne soit victime d'une erreur grossière, ce dont je doute, ce Mac Binkerton est tout simplement un fiefé bandit. » M. Desboisbilly et M. Simonet firent un bond de surprise. Paulin Broquet continua. « Il serait trop long de vous expliquer maintenant comment j'ai pu acquérir cette certitude. Je n'ai d'ailleurs pas de preuves pour appuyer mes dires. Mais il est un fait certain, c'est que Mac Binkerton, voulant capter notre confiance, dans un but qu'il vous est facile de deviner, s'est montré plus fort qu'il n'était prudent de l'être avec des gens du métier, qui savent jusqu'où peuvent aller la prévision, la prudence et l'habileté humaine. On ne devine pas à ce point les complots, on n'arrive pas ainsi à la minute précise quand on n'est pas soi-même complice de l'attentat. » Se levant alors du fauteuil qu'il occupait, avec sa brusquerie habituelle, Paulin Broquet conclut. « Monsieur le ministre, je ne puis vous en dire davantage. » Monsieur Desboisby l'interrompit vivement. « Mais alors, mon cher Broquet, je suis dans l'obligation de signaler le fait au ministre des Affaires étrangères anglais, de le prier de ne pas laisser partir son envoyé. »« Point, monsieur le ministre, il est un proverbe qui dit qu'un homme prévenu en vaut deux. Nous savons maintenant que c'est Mac Binkerton qui accompagne le courrier de cabinet. Eh bien, nous n'avons plus qu'à paralyser l'action de Mac Binkerton. Vous avez bien voulu m'en charger, le reste me regarde. » Et saluant, il conclut « Le temps presse. Permettez-moi de me retirer. Après-demain, à l'heure convenue, monsieur le ministre, j'aurai l'honneur, je l'espère, de vous amener ici, dans votre bureau, le courrier de cabinet avec les documents qui lui seront confiés. » Il sortit.